إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillah ces cours qui concernent les règles du takfir. Et on avait vu la dernière fois ce qui concernait le takfir al-mutlaq, donc le takfir qui est dit général, qui est dit global ou qui dit également absolu. Et on avait vu, afin de détailler, que ce qui allait rentrer dans ce takfir ou dans ce kufr, il se divisait en deux catégories. Et ces deux catégories en réalité présentaient ou représentaient ce qu'on appelle al-mukhalafa, ce qui va à l'encontre de la religion parmi les actes. Et que cette mukhalafa advenait de deux manières. On avait dit la première, qui était tark mashrou', et la deuxième qui était fi'l mahdour. Donc la première qu'on a déjà expliqué, qu'on a détaillé tout ce qui est rentré dedans, que ce soit par rapport à l'irtiqat, le fait de délaisser la croyance, ou le fait de délaisser la parole, ou le fait de délaisser l'acte. On a vu cela en détail. Ce qu'on appelle donc tark mashrou', donc délaisser ce qui va être légiférer au niveau de la religion. Et le deuxième, et c'est celui-là qu'on va développer aujourd'hui, même s'il est court à développer parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses par rapport à cela, c'est fi'l mahdour, le fait d'accomplir un acte qui va être interdit, un acte illicite. Et par rapport à cela, donc ça c'est la deuxième façon, la deuxième manière d'aller à l'encontre de la religion. C'est le mukhalafa, ou une catégorie de mukhalafa, si on parle de catégorie pour ce qui est des deux, ou si on parle de manière ou de façon de faire, etc. À la kulli hal, pour ce qui est de fi'l mahdour, c'est tout simplement, et ça on l'avait déjà cité, d'accomplir ce qui va être contraire, totalement contraire à la foi en Allah, en son prophète, que ce soit par à l'irtiqad, que ce soit donc par la foi ou par la croyance, ou que ce soit bil-lisan, que ce soit par la langue, que ce soit par al-jawarih, que ce soit par les membres. Et on avait déjà vu à travers également les questions du shir hafiz rahimallahu ta'ala les détails de cela, comme le fait d'insulter le prophète, comme le fait de se moquer de la religion, etc. Taïb, donc faire ce qui va être ici interdit et qui va être considéré comme un acte qui fait sortir de l'islam. Ça c'est dans fi'l al-mahdour. On pourrait dire que c'est la première catégorie, ce qui fait sortir de l'islam, ce qu'on avait déjà détaillé. Et également, et ça vient en deuxième catégorie, mais on n'est plus ici dans ce qui est du takfir, c'est tout simplement tout ce qui ne va pas être considéré comme un kouf akbar, c'est-à-dire qui va faire sortir de la religion. Et c'est tout ce qui est, bien entendu, en dehors de ce qu'on avait déjà cité, et qui rentre fi adh-dhunub wal ma'asi, qui rentre dans les péchés, qui rentre dans la désobéissance, comme le zina, l'adultère, comme le fait de boire l'alcool, etc. Donc, de par cela, bien entendu, et c'est un point qu'on avait déjà détaillé au niveau de la croyance, les gens de la sunna du consensus vont s'écarter par là de la croyance des al-khawarij, qui eux, contrairement aux gens de la sunna, vont sortir de l'islam de par ses péchés. Lorsque la personne tombe dans ces péchés là eux ils considèrent que la personne va sortir de l'islam. Donc c'est bien entendu la croyance des al-khawarij, comme on l'avait déjà expliqué maintes fois dans différents cours. À la kulli hal, lorsqu'on sait maintenant cela, que ce qui rentre dans le kufr al-mutlaq, c'est-à-dire ce qui est général, ce qui est global, ce qui est absolu, qu'il y a donc le fait de délaisser ce qui est légiféré, et on a vu donc les trois catégories qui rentrent dedans, ou alors faire ce qui est interdit, ce qui est illicite. Et on a vu donc ici deux catégories. La première catégorie qui fait sortir de l'islam, les actes qui vont donc faire sortir de l'islam, et c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment à travers les questions de Cheikh Hafif qui nous avait posées à propos du kufr. Et la deuxième catégorie, ce qui ne fait pas sortir de l'islam et qui rentre bien entendu fi al-dhunub al-ma'asi, tout ce qui rentre donc dans les péchés, dans la désobéissance comme on l'a cité. Donc sans détailler plus, on va passer à un autre chapitre ici qui est également très important. C'est en réalité mettre en avant des règles, ou plutôt une relation qu'il y a entre ce qu'on appelle al-takfir al-mutlaq ou al-takfir al-mu'ayyan. Donc maintenant, si on reprend bien entendu ces termes, pourquoi? Parce que ces termes-là, on les a déjà expliqués. Donc lorsqu'on dit takfir mutlaq ou al-takfir al-mu'ayyan, takfir al-mu'ayyan, on sait ce que ça veut dire. Donc on reste sur ces terminologies. La relation qu'il va avoir entre les deux, et qui est en réalité ici une règle qui est fondamentale à comprendre et à appliquer lorsqu'on rentre dans ce domaine qui est, comme on l'a déjà cité, un domaine très dangereux, masalatu takfir, le fait donc de rendre mécréant. Et cette règle là même si on en a déjà parlé mais de façon non détaillée, cette règle là qui est la suivante: at-takfir al-mutlaq la yastalzim takfir al-mu'ayyan. C'est-à-dire, tout simplement, que ce qui rentre dans le takfir al-mutlaq n'implique pas de façon systématique takfir al-mu'ayyan. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, pour bien comprendre cette règle, c'est que la personne, donc l'individu ici, lorsqu'on parle de al-mu'ayyan, c'est l'individu. Lorsque l'individu va faire un acte qui va rentrer dans al-kufr al-mutlaq, celui qui fait sortir de l'islam, et tout ce qu'on a donc vu précédemment, ça ne veut pas dire de façon systématique que cette personne-là va sortir de l'islam, même si elle a fait cet acte-là. C'est ça en réalité le sens de cette règle que l'on va voir et qui a été appliqué par les savants de l'islam, parmi les salafs, parmi les premiers salafs, et jusqu'à nos jours parmi les grands savants de la sunna ou le jama'a. On va s'apercevoir que ces gens-là, ils ont appliqué de tout temps et en tout lieu cette règle-là en ce qui concerne le takfir. La mécréance donc dite absolue n'implique pas systématiquement takfir al-mu'ayyan, c'est-à-dire que elle ne va pas impliquer le takfir de l'individu. C'est ce que veut dire cette règle-là. La yastalzim. C'est-à-dire, il n'y a pas ici une implication. Et donc, ce qu'on va comprendre, contrairement à cela, et ce qui va être ici nié par cette règle-là, c'est de dire que à chaque fois que la personne va faire un acte qui rentre dans le kufr al-mutlaq, ce qui est absolu donc, automatiquement, il va lui devenir un kafir. C'est ce qu'on va ici nier de par cette règle-là. On va nier cette croyance et on va nier cette règle qui est appliquée par beaucoup de gens de par leur ignorance ou alors de par al-mukhalafa, de par donc la contradiction qu'ils ont avec les règles qu'ont placées les gens de la sunna et du consensus, qui sont pris bien entendu du Coran et de la sunna, parce que on va voir maintenant les preuves. Tout ce qu'on avance, c'est bien entendu appuyé par des preuves. Pour ce qui est des preuves de cette règle-là, on va revenir à des versets du Coran qui vont en réalité nous montrer que la personne qui va tomber dans le kufr ou qui va faire un acte qui est relatif au kufr al-akbar, celui donc qui fait sortir de l'islam ici, n'est pas obligatoirement lui devenir un kafir. Et suivant plusieurs raisons, et ces raisons-là, on les verra ensuite, on va les détailler. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ou d'appuyer cela par une preuve, cette règle de façon générale par des preuves, sans regarder même de manière ici détaillée ou précise les causes. Le premier verset, c'est Fi Surat al-Isra, qui est le verset 15. Yaqul subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ça, c'est un verset qui est clair et qui va nous prouver, comme l'ont mis en évidence les savants, et à partir d'eux ou parmi eux, Ibn Kathir dans son tafsir, il nous dit donc le sens ou la traduction rapprochée, le sens, et nous n'avons jamais puni donc un peuple, entre parenthèses, avant de lui avoir envoyé un messager. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Kathir à partir de ce verset? Ikhbarun an adli ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ici nous informe de sa justice, le Très-Haut. Wa annahu la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyam al-hujjah, illa ba'da qiyam al-hujjah alayhi bi irsali ar-rasul ilayhi. Donc Ibn Kathir il nous dit qu'Allah Azza wa Jal ne va pas donc punir une personne sauf après que la preuve ait été apportée, l'apport de la preuve, la démonstration et l'éclaircissement par la preuve. Iqamatul hujja, ça c'est quelque chose, ou qiyam al hujja, c'est quelque chose également qu'on va détailler. Ça c'est un point qu'on va détailler, ce qu'on appelle iqamatul hujja. Donc Allah Azza wa Jalla ne va pas punir une personne sauf qu'après il lui envoyer donc cette preuve, et cette preuve bien entendu qui va se concrétiser par l'envoi du prophète auprès de lui. Et dans le même sens, on retrouve un autre verset du Coran, verset 165, fi surat an-Nisa, les femmes. Yaqul Allah Azza wa Jal, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Rusulan mubashirin wa mundhirin لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullah alayh dans son tafsir à partir de ce verset, et dont le sens est: en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah, point d'argument devant Allah. Il nous dit Cheikh Al-Amin rahmatullah alayh, la budda an yaqta'a hujja aw yusarrihu fi hadhihi al-aya al-karima bi annahu la budda an yaqta'a hujjata kulli ahadin bi irsal ar-rusul mubashirin man ata'ahum bil jannah wa mundhirin man 'asahum bin nar. Donc il nous dit Cheikh Al-Amin ici que ce verset va mettre en évidence qu'il faut obligatoirement briser donc l'argumentation de chaque personne par l'envoi des prophètes. C'est-à-dire que la personne, elle peut avoir, si on ne lui envoie pas un messager, elle peut avoir ce qu'on appelle ici hujja, c'est-à-dire un argument, avancer des arguments par rapport à ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que si j'ai été dans cet état-là par rapport au kufr, si je suis tombé par rapport au kufr, c'est parce que personne ne m'a été envoyé, ou alors que j'étais ignorant de ce qui m'était obligé, etc. Afin donc qu'il n'y ait plus d'arguments et qu'Allah tabaraka wa ta'ala brise ses arguments, alors il a envoyé ses envoyés. C'est ce que veut dire le cheikh. Mubashirin man ata'ahum bil jannah, c'est-à-dire qu'il va faire la bonne annonce à ceux qui les ont suivis. Par quoi? Par le paradis, cette bonne annonce du paradis. Ou alors, dans le cas contraire, il va les avertir de ceux, ou il va avertir ceux qui les ont contredit, ceux qui leur ont fait acte de désobéissance, qui leur ont donc désobéi, et par quoi il les avertit donc du feu. Ayadan billah. Et des versets comme cela, il y en a beaucoup dans le Coran, il y en a plus d'un. On en cite deux, mais il y en a plusieurs. On pourra en citer au moins une dizaine qui vont dans le même sens. Donc on va s'apercevoir à partir d'ici que la personne qui va tomber donc dans ce qui est al-kufr al-mutlaq, cette personne-là ne va pas être automatiquement ici mu'adhab, c'est-à-dire châtié de par ce qu'elle a fait. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Tout simplement par le jahl, c'est-à-dire que elle n'a pas eu iblar al-hujja. Elle n'a pas eu donc, il ne lui est pas advenu la preuve. Les envoyés ne lui sont pas venus. Si cette personne est dans ce cas-là, alors, comme on a vu dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla ne châtie pas cette personne. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc nous ne châtions personne et nous ne punissons personne sans lui avoir envoyé auparavant donc un messager. Donc ça, c'est plus que clair. Donc il faut automatiquement qu'il y ait ce qu'on appelle iqamatul hujja, qiyam al hujja. Ça, c'est ce qui est pour les versets du Coran. Pour la sunna, également on a des preuves. Et parmi les preuves qu'on va citer, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le compagnon, as-sahabi al-jalil, Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, avec un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit cette parole qui nous a rapportée par Abu Huraira, qui est la suivante. Il jure donc par son Seigneur, celui donc qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. Il n'y a personne donc qui va entendre parmi cette communauté. Minhadil Umma. Il veut dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yahudi wala Nasrani, comme il nous le cite, Yahudi wala Nasrani, que ce soit donc un juif ou que ce soit donc un chrétien. Puis, après donc qu'il ait entendu ou qu'il m'ait entendu, c'est-à-dire qu'il m'ait entendu comme quoi je suis venu comme envoyé et qu'il a entendu, bien entendu, ce que j'ai dit, ce dont à quoi j'ai prêché, thumma yamut, et qu'ensuite donc il meurt, et dans quel état, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, alors que son état au moment où il meurt, il n'a pas cru en ce quoi ou pourquoi il est envoyé, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa kana min ashabin nar, sans qu'il ne soit donc ou qu'il ne fasse partie des gens du feu. Donc ce hadith, il va nous prouver de façon claire il faut que la personne, pour qu'elle rentre dans le feu, il faut qu'elle entende bel et bien la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette da'wa comme elle est venue de lui, parce qu'il dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, c'est-à-dire qu'il n'entend parler de moi, de cette communauté, que ce soit les juifs ou les chrétiens donc, et donc entendre parler de moi, ça signifie bien savoir réellement ce quoi avec ou avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quel était donc son message. Et c'est pour ça que l'imam An-Nawawi, il va dire donc à partir de ce hadith, il nous dit wa fi mafhumihi dilalatun ala anna man lam tablughu da'wat al-islam fa huwa ma'dhur wa hadha jarin ala ma taqaddama fi al-usul annahu la hukma qabla wurud al-shar'i ala al-sahih. Il va nous dire donc l'imam An-Nawawi qu'il y a donc ici, dans ce qui est compris, fimafoumi, ce qui est compris donc de ce hadith. On sait que ad-dalala qad takun mafhum aw qad takun mantuq, c'est-à-dire mafhum, ce qu'on va donc tirer de par l'entendement, de par la compréhension du hadith, ce qu'il nous prouve donc de par la compréhension, ou alors mantuq, ce qu'il nous prouve de par le texte même, c'est-à-dire la parole même, sans même qu'il y ait besoin d'une compréhension, que ce soit donc dicté de façon claire. Ici, c'est dans Al-Mafhoum, c'est dans ce qu'on va comprendre donc du hadith. Il nous dit عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ فَوَ مَعْذُورُ. Celui donc dont la prêche de l'islam ne lui est pas parvenue, ne lui est pas atteint, فَوَ مَعْذُورُ, il est donc excusé par rapport à cela. Donc dans son état de kouf, cet état-là, il est excusé si la da'wa, la véritable da'wa de l'islam ne lui parvient pas. C'est ce qu'il nous dit l'imam Nawawi, et qui est en réalité, comme il ensuite nous le rappelle, qui est conforme donc aux règles de la législation. Donc on va comprendre, à partir de ces versets du Coran, à partir de ce hadith qu'on a vu, on va comprendre à partir de là, comme on l'a cité auparavant, que celui qui va tomber dans le kufr al-mutlaq, c'est-à-dire dans le kufr al-akbar, celui qui est donc absolu, et celui qui fait donc sortir de l'islam, yastahiq al-uquba, c'est-à-dire qu'il va mériter le châtiment, et qu'il va donc être considéré comme un kafir, c'est-à-dire un kafir qui lui est sorti de l'islam de par donc ce kufr-là. Tayyib, jusqu'à que quoi? Jusqu'à que lui vienne la preuve. Hatta taqum alayhi al-hujjah, jusqu'à que lui vienne donc la preuve. Donc cette preuve-là, c'est celle qui va ici faire la différence. Et c'est celle qui va réellement faire rentrer la personne dans le kufr. Ce kufr-là qui va donc impliquer al-uquba, qui va donc impliquer donc le châtiment dans l'au-delà, qui est bien entendu l'enfer, et ça de façon éternelle pour ce qui est bien entendu du kufr al-akbar. C'est ce qu'on a compris donc de ces nusus. Et lorsqu'on revient également à d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'apercevoir que la personne peut faire donc un acte, cet acte-là qui va être considéré en lui-même, l'acte en lui-même qui va être considéré comme du kufr akbar, le kufr qui fait sortir donc de la religion. Et comme on l'avait déjà cité auparavant, que ce soit donc en revenant donc aux écrits de Cheikh Hafid à travers donc son livre A'lam al-Sunnah, lorsqu'il avait parlé donc de ce qui rentrait dans le kufr al-amali, mais qui prouvait donc le kufr al-i'tiqadi, il nous avait rappelé, à titre d'exemple, as-sujud li ghayrillah ou as-sujud li sanam, de façon générale as-sujud li ghayrillah, le fait donc de se prosterner pour un autre qu'Allah. Mais on va s'apercevoir à partir de ce hadith comme on va citer qu'il se peut que la personne tombe dans cela, et donc qu'elle tombe dans ce qu'on va appeler ici al-kufr al-mutlaq ou takfir al-mutlaq, et qui est donc ici de faire de quelle façon ici lorsqu'on parle de sujoud ghayrillah, donc de faire un acte qui est donc illicite, interdit, donc ici fi'lun ma'vour, et qui rentre dans la deuxième catégorie ou dans la première catégorie comme on l'avait cité, la première catégorie qui fait donc sortir de l'islam. Ce hadith qui nous est rapporté par Ibn Majah, qui nous a rapporté également par l'imam Ahmed, et qui a été authentifié par Shah Albani, comme fi sahiha, hadith 1203. Ce hadith de Abdullah ibn Abi Awfa, qui dit que lorsque Mu'adh, il s'est présenté du Sham, Mu'adh donc voyagé et qui est parti donc au Sham, et lorsqu'il est revenu donc du Sham, de cette région-là, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant lui. Sajjada lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ma hadha ya Mu'adh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez déjà la première chose qui va advenir de lui lorsqu'il va voir cet acte de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, qui se prosterne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va d'abord lui demander la raison de cet acte-là. Regardez donc la première étape du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander la raison. Ma hadha ya Mu'adh. Ça c'est la parole du prophète. Qu'est-ce que cela, ô Mu'adh? Et va lui expliquer Mu'adh. Donc on voit ici que tout simplement Mu'adh, il a fait ce qu'on appelle donc un acte d'interprétation. Ta'wil. Hada ta'wil ou minhum. Donc un ta'wil au niveau du din qui veut dire donc l'interprétation. Un ta'wil. Et en réalité, c'est ce qui est advenu de Mu'adh. Il a tout simplement lui fait un acte d'interprétation. Il lui explique, il va répondre donc Mu'adh au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu au Sham des gens qui se prosternent devant les gens haut placés au niveau de l'église. Et il va dire fawadattu fi nafsi an naf'al dhalika bika. Et donc j'ai voulu et j'ai aimé faire cela pour toi. Pourquoi il fait cela ou pourquoi il a fait cela Mu'adh? Hadha min bab at-tahya wa at-ta'zim. Il l'a fait cela en fait par interprétation, il l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que salutation et en tant que vénération. Tahya wa ta'zim. Pourquoi cela? Parce qu'il a vu faire d'autres gens qui le faisaient pour leurs grands personnages, ceux qu'ils considéraient qu'ils étaient grands dans la société. Alors il s'est dit, notre prophète qui est le meilleur des hommes et a plus droit que de cet acte-là. Mais un acte qui ici, qui est minbab, comme on l'a dit, de ta'zim, de vénération et de tahiyya, de salut. Qu'est-ce qu'il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fala taf'alu, fala taf'alu, alors ne le fais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma kaffarahu, il ne l'a pas rendu mécréant donc de par cet acte-là. Il s'est prosterné devant un autre qu'Allah azawajal. Pourquoi li ta'wilim, comme on a dit, de par son interprétation. Il ne l'a pas fait cela, bien entendu, bin niyat shirk, c'est-à-dire le fait d'associer Allah azawajal à un autre que lui. Mais min bab, tahiyya. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui interdire de faire cela. Il va lui dire fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayrillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais ordonné une personne donc de se prosterner pour un autre qu'Allah li ghayrillah, pour un autre qu'Allah, j'aurais ordonné la femme qu'elle se prosterne devant son homme. Voilà ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on va s'apercevoir de façon claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma kaffara, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait sortir Mu'adh de l'islam de par cet acte-là. Alors que cet acte-là en lui-même, c'est bien ce qui rentre dans le kufr al-mutlaq, et ce qui fait sortir de l'islam. Ce qui fait sortir de l'islam, le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah azawajal. Ça, c'est une première preuve de cette règle. Donc, cette règle qui est que le takfir al-mutlaq n'implique pas takfir al-mu'ayyan. Ensuite également un autre hadith qu'on va citer pour appuyer ce qu'on a dit et qui est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Min hadith Khalid ibn Zakwan an al-Rabi' bint Mu'awwad qalat. Elle est dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré. Il s'est assis donc sur le firaj, sur un firaj donc, sur un majlis. Il y avait en réalité à ce moment-là des servantes qui était en train de taper sur ce qu'on appelle le douf, une sorte de tambourin, ce qu'on appelle donc le douf. Et une d'elles, qui était donc présente, qu'est-ce qu'elle a dit ? Wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghad. Elle a dit cette parole-là. C'est-à-dire, il y a parmi nous donc un envoyé qui connaît ce qu'il y a demain. Ici, elle va dire une parole qui fait bien entendu sortir de l'islam. Adaqoul, qui va faire sortir de l'islam. Comment ? Tout simplement en allant à l'encontre de ce qu'on appelle le Tawhid al-Rububiyya. Bien entendu, le fait d'avancer qu'un autre qu'Allah Azzawajal connaît l'invisible, et quand on dit l'invisible ici, bien entendu, l'invisible absolu, al-Ghaib al-Mutlaq, l'invisible absolu. Le fait d'avancer qu'un autre qu'Allah connaît cet invisible, ça va à l'encontre du Tawhid al-Rububiyya. Donc l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa seigneurie, dans sa souveraineté, et ça fait sortir de l'islam. Cette parole là fait sortir bien entendu de l'islam le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible. Et ici qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu cette parole de cette servante? Faqala da'i hadhi wa quli billadhi kunti taqulin. Il va lui dire de délaisser donc cette parole-là et de dire ce qu'elle disait donc, les autres choses qu'elle disait auparavant, qui n'étaient pas en contradiction donc avec la croyance. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su ici son djel, il a su donc son ignorance, qu'elle a dit ça tout simplement par ignorance. Le fait qu'elle ait affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, elle connaissait ce qui allait donc se passer demain, qui fait partie bien entendu de l'invisible, ce que dont seul Allah azawajal connaît. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréante. Pourquoi ? Parce qu'elle a su qu'elle était ignorante. Elle a su qu'il était ignorante. Donc, qu'elle avait ce djahl-là qui l'a empêché de lui faire sortir de l'islam. Par contre, si bien entendu la personne, après que Al-Hujja lui soit venue, et qu'elle sait bien entendu que cet acte-là est en complète contradiction avec la croyance, et qu'elle le dit, ça bien entendu on va rentrer dans un autre domaine. On est bien ici, ce qui est de prouver la règle qu'on a citée auparavant, que ce n'est pas qu'à chaque fois qu'une personne va tomber dans le takfir al-mutlaq ou dans le kufr al-mutlaq, le kufr qui est dit donc absolu, qu'il va automatiquement lui sortir de l'islam. Donc ça c'est des preuves qu'on rapporte, et on voit à travers donc ces preuves là qu'il y a donc plusieurs causes, et ces causes là ensuite on les verra un peu plus tard et on les énumérera, que ce soit donc l'interprétation al-ta'wil, que ce soit al-jahl, que ce soit donc l'ignorance, etc. Sachant cela, on va s'apercevoir donc que les savants, lorsqu'ils ont parlé de cette règle-là, et qu'ils ont dit que la personne ne devient réellement mécréant, mécréant, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam par un acte, par une parole ou autre, comme on l'a donc cité auparavant, ils ont dit donc ici avec deux conditions qui vont être fondamentales. La première condition, tahakkuk shurut al-takfir, c'est donc que les conditions du takfir soient concrétisées. Et ces conditions du takfir, on va les voir, inshallah, et on verra qu'elles sont au nombre de quatre. On verra qu'elles sont au nombre de quatre, ces conditions. Donc, dans un premier temps, que les conditions du takfir soient concrétisées. وَتَنْتَفِ فِيهِ الْمَوَانِعُ أَوْ مَوَانِعُ. Et également, que la dissipation, ou qu'il y ait donc la dissipation de ce qui va empêcher l'application de ce hukm. Le hukm, bien entendu, ici, le takfir. Ça, c'est également ce qui va rentrer dans les conditions. Dans un premier temps, on voit donc la concrétisation des conditions, et dans le deuxième temps, la dissipation de ce qui va empêcher l'application du hukm. Et bien entendu, ce qui va rentrer dans ce qui va empêcher ce qu'on appelle donc intifal mawani', ça peut être le jahl, ça peut être donc, comme on l'a vu auparavant, l'ignorance, comme cela est advenu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a entendu de cette servante al-jariya, tayyib. Et à partir de là, on va prendre une parole d'un des grands imams de l'islam, et qui est l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, comme cette parole a été rapportée par Ibn al-Qayyim fi Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, comme cette parole a été rapportée par l'imam al-Dhahabi fi al-Ulu, et comme cette parole, bien entendu, elle a été identifiée et reconnu authentique par l'imam al-Albani fi Mukhtasar al-Ulu. Yaqul l'imam al-Shafi'i, et donc écoutez bien cette parole-là pour bien s'apercevoir que ce n'est pas toute personne qui va tomber dans le kufr al-mutlaq qui va être automatiquement un kafir, sauf si bien entendu les conditions elles sont concrétisées et si il y a une dissipation de tout ce qui va empêcher l'application donc du hukm al-takfir. Yaqul l'imam al-Shafi'i, il parle donc par rapport à l'asma ou sifat, il parle par rapport donc aux noms et aux attributs d'Allah Azzawajal. Il dit Lillahi ta'ala asma ou sifat, ja'a biha kitabu wa akhbara biha nabiyyu ummata. C'est-à-dire, il va nous dire qu'Allah Azzawajal, il détient, Allah le Très-Haut, il détient des noms et des attributs. Ja'a biha kitabu, et que son livre donc est venu avec ses noms et ses attributs, qui sont cités donc dans son livre. وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّ أُمَّتَهُ, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de ses noms et de ses attributs sa communauté. Il nous dit وَلَا يَسَعُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ رَدُّهَا. Il va nous dire donc qu'il n'est pas permis à une personne parmi les créatures d'Allah قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, alors que la preuve donc lui est parvenue, alors que la preuve lui a été donc démontrée, raddoua, qu'il donc rejette ses noms et ses attributs. لأن القرآن نزل بها. Pourquoi? Parce que le Coran est descendu donc avec ses noms et ses attributs. وصحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. Et bien entendu, il a été authentifié du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a parlé de ses noms et de ses attributs, qu'il a authentifié ses noms et ses attributs, qu'il nous a informé de ses noms et ses attributs dans ce qui nous était à rapporter, parler bien entendu, ceux qui sont dignes de confiance parmi Ruat, parmi bien entendu le Udoul, il veut dire Ruat, parmi donc les rapporteurs des hadiths. فَإِنْ خَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ. Donc on voit bien ici qu'il dit l'imam al-Shafi'i بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ, il va en contradiction s'il renie de ses noms et ses attributs, mais ici il va citer donc une condition بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ, après bien entendu que la preuve ait été appliquée, ait été éclaircie et rendue explicite. Thubut al-hujja alayhi fawa kafir, alors il est un kafir. Donc si la personne va à l'encontre de l'attestation de ses noms et de ses attributs après que al-hujja, après donc que la preuve lui soit venue et de façon claire, alors c'est un kafir. Fawa kafir. Fa'amma qabla thubut al-hujjah alayhi fama'zurun bil jahl. C'est-à-dire, par contre, avant que cette hujjah soit appliquée, lui soit donc parvenue, fama'zurun bil jahl. Alors, il va être excusé de par son ignorance. Et ensuite, il va dire un peu plus loin, wala nukaffiru bil jahli ahadan illa ba'da intiyal khabar ilayhi. C'est-à-dire que l'on ne va pas, il dit, on ne va pas rendre mécréant une personne de par son ignorance. Sauf qu'après, al-khabar, donc l'information lui soit parvenue. Dans ce sens, qu'il a eu preuve de ce dont il a été à l'encontre. On va donc tirer de cette parole de l'imam al-Shafi'i, d'un des a'immat al-salaf, un donc des grands imams des salaf, qu'il y a bien ici la présence de quoi ? Comme condition de al-hujjah, iqamatul hujjah. Ça, c'est ce qui apparaît de façon claire, sans même détailler plus, de la parole de l'imam al-Shafi'i, pour ce qui concerne donc l'asma wa sifat, et qui est bien entendu un des points fondamentaux de la croyance des gens, de la sunna du consensus. Également, on va citer la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans cette question-là. Pourquoi on cite toutes ces paroles de ces grands imams ? Tout simplement pour prouver que cela est quelque chose de qui est très connu chez les gens de la sunna du consensus. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى يقول واذا عرف هذا فالتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على احدهم الحجه الرساليه التي يتبين بها انه مخالف للرسل. Il nous dit donc شيخ الاسلام ابن تيميه que takfir al-mu'ayyan, donc il nous dit fat takfir al-mu'ayyan, donc le takfir de l'individu même, min haoula al-juhal wa amthalim, de ceux donc qui font cet acte-là, qui rendent donc kuffar les gens, c'est-à-dire qui rendent donc kuffar les individus, et qui advient donc, il nous dit min haoula al-juhal wa amthalim, qui advient donc de ces ignorants et de ceux qui le ressemblent, bihaythu yahkum alayhi bi annahu min al-kuffar, donc dans le sens où il va donc le juger comme étant parmi les kuffar, parmi donc les mécréants. Il dit qu'il n'est pas permis de s'aventurer à faire cela et d'accomplir un tel acte, donc l'acte du takfir. Là, il nous dit donc, cela n'est pas permis sauf après que la preuve, ar-risaliya, donc la preuve qui vient, bien entendu, du Qur'an et de la sunna, du message, allati yatabayyanu biha annahu mukhalifun ar-rusul, et qui va donc mettre en évidence, et ça bien entendu de façon claire, ici, tabayyun, qu'ils sont donc ces gens-là en contradiction avec les prophètes. وإن كانت هذه المقالات لا ريب أنها كفر. Et même si cette maqala, c'est-à-dire la maqala, les dires des gens de la bid, des gens de l'innovation, qu'on appelle ça al maqalat, donc les dires, les croyances des gens de l'innovation, il dit qu'en elle-même cette parole-là ou ce dire donc, il dit que c'est du kufr. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est du kufr. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a dit cette parole-là, automatiquement, elle va tomber donc dans le kufr. Et on verra un peu plus tard, Inch'Allah, ou dans les prochains cours, on verra parmi la vie, ou dans la vie scientifique de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et pratique, on verra lui comment il a appliqué cette règle-là. Et on va voir combien, subhanallah, il s'est éloigné de ce qu'on appelle le takfir avec tout ce qu'il a passé de temps à mettre en évidence donc la présence des gens de la sunna et du consensus. À la kulli hal, on reviendra par rapport à cela, parce que c'est important de le citer. Donc on s'aperçoit, il va dire un peu plus loin, Ibn Taymiyyah, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc il n'est pas permis à une personne de rendre mécréant une personne parmi les musulmans, un individu donc parmi les musulmans. وَإِنْ أَخْطَى وَغَلَطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Et même donc, si il a fait erreur jusqu'à que الحجة, jusqu'à donc que la preuve lui soit apportée et lui soit expliquée. وَتَبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةِ. Et donc que le droit chemin lui soit mis en évidence. Ça, c'est une condition qui va nous citer ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et sinon, il n'est pas permis à une personne qui rende mécréant un musulman. Il va nous dire cette règle qui est subhanallah fondamentale. Il va nous dire وَمَنْ ثَبَتَ إِمَانُهُ بِيَقِينَ. Celui dont sa foi était attestée par certitude, biyaqin, لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِشَكٍ. Cet iman ne peut donc disparaître de lui avec un doute, avec un doute. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Mais elle ne disparaîtra donc pas cette foi jusqu'à donc qu'on va lui la mettre en évidence et qu'on va dissiper donc الشبهة, l'ambiguïté qui se trouve chez lui, jusqu'à qu'on a dissipé l'ambiguïté qui se trouve chez lui. Si on ne fait pas cela, il n'est pas possible de faire ou d'affirmer qu'une personne, son iman, c'est-à-dire donc sa foi est partie, sans qu'on ait fait donc cet acte-là ou ces actes-là. Le fait donc d'appliquer l'hujja et de dissiper donc l'ambiguïté. Si la personne ne fait pas cela, elle ne peut rendre kafir un musulman. Ça c'est impossible. Pourquoi ? Parce que ce musulman, son iman a été attesté par yaqin, par certitude. Et on ne peut donc dissiper ou faire partir ou annuler cette certitude par un shak, par un doute. Il faut être certain, réellement certain, que cette personne-là donc est devenue un kafir. بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبُهَةِ. Il va dire également Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il nous dit فَإِنَّ نُصُوصَ الْوَعِيدَ الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Donc les textes qui sont en rapport avec la menace, donc tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la menace, al-wa'id, al-latif al-kitab wa sunnah, qui se trouve dans le livre et la sunnah. Wa nusus al-immati bit takfir wa tafsir. Et également les textes des grands imams qui sont attraits donc au takfir et au tafsir, le fait donc de rendre kafir, le fait de rendre fasiq. Wa nahwi dhalik la yastalzimu thubut mujibha fi haqq mu'ayyan. C'est-à-dire que cela n'implique pas automatiquement l'attestation de ce qui va advenir de ce hukm là dans le droit donc de l'individu. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc de cela? C'est que tout simplement le fait que la personne tombe dans le kufr, donc al kufr al mutlaq ou al fisr al mutlaq, ça ne veut pas dire que cette personne là automatiquement on va attester dans son droit là tout ce qui vient comme ahkam, c'est-à-dire qu'il va sortir de l'islam, c'est-à-dire donc qu'il va rentrer dans le feu, etc. Tout ce qui va advenir donc du fait de faire sortir de l'islam une personne, le fait que la personne devient un kafir. Donc le fait que la personne rentre dans cela et fasse cet acte de kouf, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il lui-même donc est devenu un kafir et qu'il va donc, ou qu'on va lui appliquer donc tout ce qui en découle comme ahkam. Il dit illa, sauf donc illa idha wujidat ash-shurut wa intafat al-mawani', sauf si les conditions sont présentes wa intafat al-mawani', et donc ce qui va empêcher l'application du hukm va être dissipé. Donc on voit bien ici tahaqquq ash-shurut wa intifa al-mawani', donc le concrétiser les conditions et la dissipation de tout ce qui va empêcher donc le hukm. La farqa fi dhalika bayna al-usul wal furu'. Il va nous dire qu'il n'y a pas de différence dans cela pour ce qui concerne les bases ou pour ce qui concerne donc les branches de la religion. Ça c'est donc une règle qui va être fondamentale, qui nous est citée par Cheikh al-Islam et qui nous a été citée précédemment également. De même, ce que va nous rapporter ou ce que va nous citer un des grands imams de notre siècle ou de notre époque et qui est Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, yaqul كما في كتابه القواعد المثلى وبهذا يعلم أن المقالات أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما انتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. C'est-à-dire qu'il va nous dire Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, que ces dires, que donc les dires ou les actes qui sont ou qui peuvent être donc du kufr ou du fisq, et bien entendu ici du kufr akbar ou du fisq akbar, il nous dit cela donc n'implique pas que la personne qui l'a accompli devient lui-même un kafir ou qui devient donc un fasiq, sachant que al fasiq ça prévient donc celui qui a fait du fisq akbar, celui donc qui est sorti de l'islam, fasiqan tayyib. Il dit donc que la personne qui va tomber dans ce kufr ou la personne qui va tomber dans ce fisq, cela n'implique pas que celui qui accomplit cela, que celui qui est tombé dans cela, devienne donc un kafir, ou devienne donc un fasir. Soit donc, de par la non-concrétisation d'une condition, donc charte takfir ou tafsir, d'une condition donc, qui est propre au takfir ou qui est propre au tafsir. Donc que cette condition ne soit pas présente. L'intifa shart takfir. Que cette condition ne soit donc pas présente. Ou alors, que ce qui va empêcher, mani'un shar'i, que ce qui va empêcher, qui est donc pris en compte au niveau de la religion, va être présent à ce moment-là. Va être présent par rapport à cette personne-là. Taïb, ce qui va donc l'empêcher qu'on lui applique le hukm. Donc ça revient à ce qu'on avait dit ici également, tahaqquq ash-shurut wa intifal mawani'. Donc de même ici, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh nous a cité ce qui est également cité par les autres savants de l'islam. Et regardez donc pour finir, et c'est ce qu'on va citer inshallah aujourd'hui, et ensuite bi'idhnillah pour ce qui est du prochain cours, on rentrera dans ce qu'on appelle shurut takfir. Donc on a parlé de ces shurut et qu'il faut automatiquement qu'elles soient concrétisées, mais quelles sont ces shurut, c'est ce qu'on parlera inshallah les prochains cours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans les quatre conditions que l'on citera. À la kulli hal, pour finir le sujet qu'on a cité et un exemple donc qui nous est donné par Cheikh al-Islam lui-même, il nous donne donc un exemple. Cet exemple là c'est celui de l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Regardez ce qu'il dit Cheikh al-Islam كما في مجموع الفتاوى يقول مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره. C'est-à-dire, il va nous dire, cher Al-Islam, que l'imam Ahmed, et on sait ce qui est advenu à l'imam Ahmed, et on sait dans l'époque de la fitna où il a vécu, cette époque, bien entendu, ceux qui avaient suivi notre cours pour ce qui était de l'épreuve de l'imam Ahmed se rappelle ce qui s'est passé et quelle était la cause de cette fitna, une croyance qui avait été donc propagée par Al-Jahmiya et qui est tout simplement de dire que le Coran, il est créé. Sans entrer dans les détails, on sait que l'imam Ahmed, il nous dit qu'il n'a jamais rendu mécréant Al-Jahmiya eux-mêmes. C'est-à-dire les individus eux-mêmes, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous rappelle que l'imam Ahmed, sachant que l'imam Ahmed rend mécréant Al-Jahmiyyah de façon générale, c'est un hukm am, c'est-à-dire il va rendre mécréant le groupe que l'on appelle Jahmiyyah et ceux qui ont cette croyance. Et il va nous dire malgré cela, lorsque il a été question d'appliquer ce hukm ici elle mu'ayyan aux individus eux-mêmes, c'est-à-dire foulen ou foulen, un tel, un tel et un tel, l'imam Ahmed ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu mécréant ces gens-là, alors qu'il savait qui faisait partie de Jahmiyyah à son époque. Il ne les a jamais rendus mécréants. Et il n'a jamais rendu mécréant chaque personne dont il a dit qu'il était Jahmi. Wala kulla man qala innahu Jahmi kaffara. Et également tous ceux qui ont été en accord avec Al-Jahmiyyah dans certaines de leurs innovations. Il dit bal salla khalf Al-Jahmiyyah alladhi da'u ila qawlihim. L'imam Ahmed il a même prié derrière Al-Jahmiyyah qui eux-mêmes ont appelé à leurs paroles, c'est-à-dire c'est leurs paroles par rapport à la croyance, qui ont appelé, qui ont prêché donc la parole de quoi? Que le Coran il est créé. وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبة الغليظة. Et ceux également qu'ils ont éprouvé les gens par rapport donc à cette parole, et comme on l'avait donc cité dans notre cours, et qu'ils les ont châtiés, qu'ils ont châtié tous ceux qui n'ont pas été en accord donc avec eux par des châtiments qui étaient plus que durs. لم يكفرهم أحمد أمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم. Et Ahmed ne les a jamais rendus donc mécréants. Et ceux qui ont été bien entendu avec Ahmed, parmi les gens bien entendu, les grands savants de son époque, les gens de la sunna du consensus, comme Ali ibn Medini. Balkana yartaqidu imanahum. Bien au contraire, donc il avait la croyance qu'ils avaient la foi, donc que la foi n'était pas partie d'eux, ou n'était dissipée, pour les rendre donc kafir. Et ils croyaient également en leur imam, c'est-à-dire ils croyaient donc en leur statut d'imam, et il leur faisait même des doigts, bien entendu, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Donc à partir de là, on s'aperçoit que ça c'est un exemple pour ce qui est du kufr al-mutlaq, et pour ce qui est du takfir al-mu'ayyan. On voit que l'imam Ahmed, pour ce qui est du Jahmiyyah, de façon générale, et tous ceux qui parlent ou qui ont la croyance de Jahmiyyah, yukaffir, mais ça de façon bien entendu générale. Mais lorsqu'il en est venu, l'imam Ahmed, parce qu'il y a des individus, il ne l'a pas fait, c'est-à-dire il ne les a pas rendus mécréants. Et pourquoi cela? Parce qu'on va s'apercevoir ensuite, dans le prochain cours, lorsqu'on va parler de shurut al-takfir, et on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cela, c'est-à-dire dans les conditions du takfir, inshallah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.